La tendresse. Pour oublier. À défaut d'alcool. L'amour et ses mensonges, ses joies éphémères qui ponctuent notre souffrance, pour endormir le porc qui sommeille en nous. Pour oublier la masturbation à la mort, tant elle est dénuée de sens. Le plaisir qui dégoûte, je te serre dans mes bras comme si j'allais mourir bientôt. Et mes élans te saoulent, je me sens insuffisant, presque inutile. Car l'amour est crucifié et le désespoir règne. Lorsque la folie me cerne dans le temps, la phobie des gens se lit sur mes cernes, impotent dans la pluie, le gris fade et le bruit. Quelque chose s'est niché dans ma gorge, comme une vieille corde nouée, gonflée par l'amertume, qui me pendrait par le dedans.